Équipée de printemps. La foire grasse. Gageons qu'on ne vous a jamais conté l'histoire de la foire grasse. Insinua malicieusement le vieux Barthélemy Lostec, qui remplissait à Locquémo les fonctions de sacristain. Quelle foire grasse ? Demandai-je, intrigué. Celle de Tréguier, donc ! Il n'y en a pas deux dans le pays, que je sache. Je fis mine de chercher dans mes souvenirs et secouai la tête négativement. Je m'en doutais, reprit le vieux sacristain avec un accent de triomphe. Et heureux de donner libre cours à sa verve, il entama tout de suite son récit. En ce temps-là, c'est toujours ainsi que commencent les bonnes histoires, en ce temps-là, la vieille ville épiscopale de Tréguier avait encore renom de jeunesse. Depuis, elle a versé dans la dévotion et s'est en quelque sorte faite nonne dans ses innombrables couvents. C'est du reste le destin des vieilles villes, comme des vieilles femmes, de se retirer du monde sur le tard et de s'embéguiner. Le Tréguier d'autrefois ne ressemblait guère, paraît-il, au Tréguier d'aujourd'hui. C'était une ville gaie, bruyante, amie des danses et des chansons, avec des tavernes regorgeantes de clients, où les saucisses frites se débitaient à l'aune, et le cidre frais par tonneaux. À l'approche des gras, surtout, un vent de bombance se déchaînait sur la cité. À ce moment se tenait la grande foire, la foire grasse, comme on l'appelait communément, d'abord à cause de la saison, et aussi parce qu'elle justifiait à merveille cette épithète, quelque sens qu'il vous plaise de lui attribuer. Le printemps de Bretagne était alors plus hâtif que de nos jours. Dès la première semaine de février, les bourgeons éclataient aux arbres, et l'on eût dit des nuées de petits papillons vert clair, abattus au loin sur les campagnes. Le ciel, lavé à grande eau par les dernières pluies d'hiver, luisait d'un azur tout neuf, un peu pâle encore, mais d'autant plus délicieux. Le soleil y rayonnait comme à travers une vitre bien propre. Donc, un beau matin, le carillon de la cathédrale entrait en branle, car les cloches de Saint-Udual se faisaient les annonciatrices de la foire. C'était elles qui, de leur voix grosse ou menue, donnaient le signal des réjouissances. Et il fallait voir comme elles y allaient de tout cœur. Les carillons des paroisses voisines, Plouguiel, Trédarzec, Langoate, Le Minihy, leur répondaient à qui mieux mieux. Et l'appel vibrant, propagé de clocher en clocher jusqu'à la ligne violette des montagnes, mettait en l'air toutes les têtes, vieilles ou jeunes, portant coiffe ou chapeau, sur toute l'étendue du pays trégorrois. Aussitôt, les routes de s'emplir. De 10, 15, 20 lieues à la ronde, on s'empressait vers Tréguier. Ce n'était, entre les talus verdissants, que processions interminables de chars à bancs, de cavaliers, de piétons. Les bourgs se vidaient, les fermes glissaient la clé sous la porte. « Hu, dia, vichydrou !» Les gens criaient, les vaches meuglaient, les poulains hennissaient. Et puis, c'était des bonjours, au passage, des « on va aussi » échanger d'un véhicule à l'autre. Tout cela mêlé à des claquements de fouet, à des apostrophes véhémentes, à des jurons longs d'une toise. Cependant que des bardes errants clamaient leurs complaintes et que des infirmes, exhibant leurs moignons, glapissaient de lamentables patères. Bref, une cohue indescriptible, un grouillement sans nom, la ruée de tout un peuple, l'avalanche d'une migration, comme au temps barbare. Où Tréguier pouvait-il bien loger tout ce monde, me direz-vous? N'oubliez pas que Tréguier, patrie de Saint-Yves, a vu bien d'autres miracles. Le certain, c'est qu'à l'époque de cette histoire, pour faire taire les enfants pleurards, il n'était que de leur promettre qu'on les mènerait à la foire grasse. Ils devenaient sur l'heure aussi traitables que des anges. Mais jugez dès lors s'il était déshonorant pour un homme fait de n'y avoir point assisté. Tel était pourtant, ne vous déplaise, le cas des trois personnages dont je vais avoir maintenant à vous entretenir. Que je vous donne d'abord leur signalement. Premièrement, Hippolyte Tacon, plus connu sous le sobriquet de Titic. Âge 30 ans, profession couvreur en chaume, signe caractéristique, une taie sur l'œil gauche et dans la joue droite, la cicatrice d'une entaille produite par le tesson d'une bouteille d'eau-de-vie qui en voulait au sieur Tacon de l'avoir vidée. Deuxième, Gonéry Louarn, surnommé Palsambleu, d'un de ses mots favoris, le seul emprunt qu'il eût jamais fait à la langue française. Un gaillard tirant sur la quarantaine, solide, râblé, avec des yeux bleus d'une candeur enfantine, et un collier de barbe rousse aussi dru qu'une crinière de lion. Maçon de son métier les jours ouvrables, et le dimanche, chantre au lutrin de Plestin-les-Grèves, où les mugissements de sa voix faisaient craquer la charpente de l'église. Troisième Job à Nankou, traduisez Joseph la mort, ainsi baptisé de son teint blême, de ses orbites profondes et de son nez camard. D'ailleurs, le plus vivant des hommes et le plus malin des tailleurs. L'esprit encore plus acéré que l'aiguille. Un pince sans rire, artiste en mystification. Impossible de préciser son âge qu'il ne savait pas lui-même. Voilà le trio, braves gens, au fond, mais qui se fussent gaiement vendus au diable, eux, leurs ancêtres et leurs descendances, pour avoir part, ne fût-ce qu'une fois, une pauvre petite fois, aux magnificences de la foire grasse. Ils en connaissaient les merveilles, mais par oui dire, hélas, pour les avoir entendus conter aux privilégiés du sort qui en rapportaient des indigestions opulentes et d'enthousiastes récits. Du mercredi des cendres au dimanche des rameaux, il n'était pas d'autre sujet de conversation dans tout le terroir de Plestin-les-Grèves où résidaient nos trois héros. Vous imaginez sans peine quelle convoitise allumait en eux ces récits enjolivés à plaisir par des estomacs reconnaissants. Coûte que coûte, se juraient-ils, chacun à part soi, en regagnant leur misérable chaumière où les attendait pour toute ripaille une écuellée de soupe aux pommes de terre dans la cendre, coûte que coûte, l'année prochaine, la foire grasse ne se passera pas sans moi. Mais les années s'étaient succédées, et les foires grasses aussi, et nos pauvres hères en étaient toujours à se demander quand viendrait leur tour. C'est qu'il ne suffisait pas de se dire « j'irai à la foire grasse », encore fallait-il avoir de quoi s'y rendre et les moyens de s'y goberger. Même à ces âges reculés, Tréguier ne donnait pas pour rien ses saucisses croustillantes, ni son cidre couleur de soleil. Or, Titik, Job à Nankou et Palsambleu avaient ceci de commun qu'ils logeaient le diable en leur bourse, ou plutôt qu'ils n'avaient pas même de bourse où le loger. Des économies, où les eussent-ils prises? À moins de tondre des œufs, comme disait le tailleur. Songez que c'était le temps où un manœuvre touchait pour sa paye quotidienne une vingtaine de liards. Allez vous offrir des voyages d'agrément dans ces conditions. Et voilà comment les trois Plestinais, à leur grand honte, n'avaient encore salué qu'en rêve le paradis de succulence où ils risquaient fort de n'entrer jamais. 2. Ils y entrèrent cependant, mais procédons par ordre. C'était un samedi soir, surveille de la foire grasse. Le hasard, qui sait parfois ce qu'il fait et qui le fait bien, avait voulu que, cette semaine-là, l'homme Cariou, le fermier de Kerbérénès, se fût trouvé dans la nécessité d'employer concurremment le maçon, le couvreur et l'homme au dé. Comme le dit fermier projetait de se rendre à la foire et qu'il désirait y faire figure, il avait décidé de s'équiper tout à neuf. Le tailleur avait donc été le premier convoqué. Dès le mardi, le lundi étant jour consacré à Sainte Chopine, Job à Nankou avait pris place dans la grange, sur la couette de balle d'avoine où il avait coutume de pontifier les jambes en croix à la façon d'un bouddha breton. Cette grange avait été fort endommagée par les pluies des mois précédents. Des lézardes s'étaient ouvertes dans les murs, un des pignons menaçait ruine, et la toiture de chaume montrait, çà et là, des commencements de calvitie qui ne demandaient qu'à s'élargir. Il n'y avait donc urgence à recourir aux deux médecins qui traitent ces sortes de maladies, à savoir le couvreur et le maçon. À l'aube du mercredi, Palsambleu fit son apparition dans l'air, escorté de Titik. On juge de leur satisfaction en constatant qu'ils auraient, pour les égayer dans leur travail, cette bonne langue de Job à Nankou. Les jours suivants s'écoulèrent vite. Il n'est que de besogner à plusieurs pour ne sentir point le poids de son outil. Tout en maniant qui l'aiguille, qui la truelle, qui le peigne à chaume, on devisait. Ce ne furent d'abord que les propos ordinaires sur le temps qu'il fait, qu'il a fait ou qu'il fera. Puis, peu à peu, chacun vint à parler de soi, de sa dure vie, de sa misère, de ses rêves. Ah, les rêves, les irréalisables rêves! Oui, déclara Palsambleu, qui s'exprimait volontiers par sentence, un désir est plus lourd à porter qu'une peine. Les deux autres se turent, brusquement devenu songeur. Le maçon reprit comme en sourdine. « Croiriez-vous que moi, Gonéry Louarn, à mon âge et tel que vous me voyez, je n'ai jamais été à la foire grasse ?»« Eh bien, je puis t'en offrir autant, » prononça Joban Ankou d'une voix sombre. « Moi de même, » gémit le couvreur du haut de son échelle. « C'est des choses qui ne devraient pas être, » conclut mélancoliquement, palsambleu. Ils n'en dirent pas plus long pour l'instant. Mais, le soir venu et leur paye touchée, quand ils s'acheminèrent ensemble vers le bourg, leur idée fixe les ressaisit. « Avez-vous entendu le maître de Kerberenès ?» observa le tailleur. « Était-il assez fier d'avoir une génisse à conduire en foire ?»« Oui, les riches aiment à faire bisquer le pauvre monde !» murmura le maçon, qui bâtissait en silence dans sa tête je ne sais quels projets épiques. « Je me suis offert à l'accompagner, » fit le couvreur, « mais il a refusé mes services. Je suis pourtant plus débrouillard que lui, ayant l'habitude par métier de voir les choses de haut et de loin. Je lui eusse fait gagner 10 écus sur le prix de sa génisse. L'imbécile n'a pas daigné comprendre. » On arrivait au carrefour des 4 voies, croisement des routes de Plestin à Toulanéry et de Morlaix à Tréguier. À cet endroit s'élevait l'auberge la plus achalandée de la région, toujours encombrée de rouliers, de saltimbanques et de chemineurs, de toutes castes. Il y avait ce soir-là plus de cris et de jurements que de coutume. Nos 3 hommes se consultèrent du regard, comme pour se demander « Entrons-nous ?»« Adieu va, palsambleu !» s'écria le maçon. « Trinquons au moins avant de nous séparer !» Ils obliquèrent du côté de l'auberge. Sur le placître, devant la maison, une bohémienne à la peau couleur de rouille, entourée d'une tribu de marmots à moitié nus, faisait rissoler des patates sur un réchaud, entre les brancards de sa roulotte. Joban Ankou l'interpella. « Hé, femme, tu dois être un tantinet somnambule ou devineresse, n'est-ce pas ?»« Je lis dans les cœurs et dans les étoiles, » répondit-elle en écartant sa couvée. « C'est dessous le grand jeu. » Elle tendit vers le tailleur sa main sordide. Celui-ci déposa une pièce de cuivre. « Je voudrais que tu m'apprennes où je serai après-demain, à pareille heure. » La femme mouilla son index gauche, le dressa en l'air, et dit, d'un ton grave, « Le vent souffle vers Tréguier. Si tu n'y es pas, tu seras en route pour t'y rendre, et tu ne seras pas seul. 2 hommes, en tout semblables à ceux que voici, t'accompagneront. » Elle désignait Titique et Palsambleu. « Merci, sorcière de mon âme !» fit joyeusement le tailleur. Les autres riaient d'un rire narquois. « Tu n'en as pas eu pour ton argent, » commença Palsambleu, quand ils furent tous 3 attablés dans l'auberge. « C'est ce qui te trompe, » dit Joban Ankou. Il poursuivit avec force. « J'en ai assez, à la fin, de toujours remettre. Je verrai Tréguier cette année ou jamais. Je verrai Tréguier, dussé-je y laisser mes os. Non, la bohémienne n'en aura pas menti, du moins en ce qui me concerne. À vous de dire à votre tour si vous vous sentez à ces hommes pour justifier sa prédiction. » « Vous avez jusqu'à lundi pour réfléchir. Je vous donne rendez-vous à cette même place, entre 3 heures et 4 heures du matin. Si ce n'est pas pour faire route avec moi, eh bien, ce sera pour me regarder partir. » Sur ce, il se dirigea majestueusement vers la porte, qu'il franchit sans se retourner, tandis que le couvreur et le maçon méditaient ces paroles, assis l'un en face de l'autre, le nez dans leur chopine et le chapeau sur les yeux. 3. C'était une tradition immémoriale que, dans la nuit du dimanche au lundi gras, personne ne se coucha à l'auberge des 4 voies. Patron et patronne, valets et servantes, restaient gaillardement sur pied, toutes chandelles allumées et la soupe fraîche trottant dans la grande marmite de fonte au-dessus d'un brasier d'enfer. À chaque minute, de nouveaux voyageurs entraient, leurs tourtes de pain sous les selles. Vite, on déposait devant eux une écuellée de bouillon fumant où nageaient des débris de viande, et dans laquelle ils découpaient eux-mêmes leur pain. La vapeur des bols emplissait la salle en une vaste buée flottante, épaissie encore par la laine des consommateurs et par les nuages qui s'élevaient des pipes. Le tapage grossissait d'heure en heure. Le parler léonard mariait ses lourdes syllabes sonores au rythme plus allègre du dialecte trégorrois. Par intervalles, un étalon, attaché dehors à l'un des anneaux scellés dans la façade, frôlait de ses naseaux les vitres de la fenêtre et poussait dans la nuit un sauvage hennissement. Le tumulte était à son comble quand, sur le coup de 3 heures, Joban Ankou se montra sur le seuil de la taverne. Il gagna, en jouant des coudes, la table où, l'avant-veille, il s'était assis avec ses compagnons. 2 hommes l'occupaient déjà. Malgré l'atmosphère trouble, il les reconnut dès l'abord. « Bonjour, » dit-il, « avez-vous réfléchi ?»« J'étais décidé dès samedi, » articula Palsambleu de sa voix de faux-bourdon. « Je ne suis pas plus poltron qu'un autre, » affirma Titik. « c'est bon, » reprit le tailleur. « Il ne s'agit pas de récriminer. Parlons peu, mais parlons bien. Vous êtes résolus à me suivre jusqu'au bout. »« Résolu. » Parfait. Reste à savoir quelles sont nos ressources, car il va de soi que nous faisons bourse commune. N'est-il pas vrai ? Certes. Voyons, je questionne par rang d'âge. Combien as-tu, toi, Palsambleu ? 13 sous, que j'ai gagné hier, après vêpres, au jeu de galoche. En trichant. Et toi, Titik ? Moi, j'ai réussi à en emprunter 15, que je ne rendrai probablement que dans l'autre monde. 13 et 15, calcula le tailleur, cela fait 28 sous dans mon pays. C'est de quoi aller jusqu'à Lannion. Vous êtes d'avis sans doute, ajouta-t-il d'un ton péremptoire, que j'accepte d'être le caissier. Je le veux bien, vous pouvez me passer l'argent. Eh, fit le maçon en se rebiffant, ne te gêne pas, mon cher. Mais ton apport à toi, s'il te plaît, quel sera-t-il ? Le tailleur eut un sourire un peu méprisant. Nous avons dit, proféra-t-il, que 28 sous, c'était de quoi nous mener jusqu'à Lannion, c'est-à-dire jusqu'au premier relais. Vous désirez savoir quelle sera ma contribution ? « C'est très simple. Je me charge de vous défrayer pendant tout le reste du voyage. » Et frappant d'un geste triomphal sur son gousset vide, il demanda « Cela vous suffit-il » Son air d'assurance en imposa si fort à ses deux acolytes qu'ils étalèrent incontinent leurs deniers sur la table. Il empocha l'argent et dit « Nous ne sommes évidemment pas très riches. En revanche, nous ne serons pas beaucoup plus pauvres au retour. » Pour inaugurer mes fonctions de trésorier, je vous propose de boire un verre au bon succès de notre campagne. Après quoi, nous nous mettrons en route sans plus attendre afin d'éviter l'encombrement. Titik et Palsambleu se contentèrent d'opiner du bonnet. Ils ne laissaient pas d'être intérieurement un peu vexés de voir le tailleur s'arroger ainsi de sa propre autorité la direction de l'entreprise. Mais, d'autre part, ils le savaient prud'homme, futé comme pas un, et que le mieux était encore de s'en fier à lui dans une aventure aussi pleine d'inconnus. Les verres lampés, les trois hommes se levèrent. « Allons, Palsambleu !» commanda Job en un coup, dès les premiers pas. « C'est le moment d'entonner une chanson de marche !» La voix de basse-taille du maçon retentit comme une fanfare dans l'espace, annonçant aux échos plestinais que les trois plus fiers lurons du pays partaient délibérément à la conquête de la terre promise, avec l'espoir d'en goûter enfin les joies si longtemps défendues. Il faisait nuit grise, une brume compacte enveloppait les choses. Mais le chemin était large, se déroulait en une chaussée bien unie que bordaient les lignes plus sombres des talus. Et d'ailleurs, il n'était point de ténèbres que les petits yeux en vrille, dissimulés au fond des orbites caves de Job en Ankou, ne fussent en mesure de percer. Le tailleur en donna bientôt une preuve à ses compagnons. Ils étaient dans la descente de Saint-Eflamme. Tout à coup, Job en un coup saisit le bras de Palsambleu. « Minute, sais-tu quel est celui qui va là-bas devant nous ?»« Palsambleu, camarade, c'est comme si tu me demandais si je sais de quelle couleur était la robe de noces de la trisaïeule de mon grand-père. Je ne vois même pas le bout de mon nez. »« Eh bien, c'est l'homme Cariou, le maître de Kerberenès. »« Bah !» susurèrent à la fois le couvreur et le maçon. Je le reconnais à la coupe de sa veste. Il traîne sa génisse, et il est à cheval, le gredin. Il se sera levé de bonne heure, lui aussi, pour ne se trouver point dans la cohue. Oh ! Mais je n'entends pas qu'il fasse ses dévotions à Tréguier avant nous. Comment l'en empêcheras-tu ? Interrogea Titik. Vous allez voir. Écoutez-moi bien. Je vais prendre les devants. Vous me suivrez à faible distance, l'un après l'autre, et, en passant près du bonhomme, vous direz exactement ce que vous m'aurez entendu dire. Ayez soin seulement de déguiser votre voix pour qu'il ne puisse soupçonner que c'est vous. Compris. Job en un coup hâta le pas. Il ne tarda pas à joindre le cavalier dont les velléités capricieuses de la génisse rendaient l'allure fort inégale. Bonjour, l'ami. Bonjour. Vous menez là une bien belle chèvre. Une chèvre ? Mettez vos lunettes, mon brave. Cette chèvre est une génisse de 2 ans. Voilà un langage qu'il ne faudra pas tenir en foire, mon parrain. Les marchands n'aiment pas qu'on se moque d'eux. C'est vous qui vous moquez, à moins que vous ne soyez assez idiot de naissance ou assez ivre à 4 heures du matin pour confondre une génisse avec une chèvre. Oh bien, baptisez la génisse, si ça vous agrée, ce n'est pas à moi qu'il en cuira. » Et Job Anankou de continuer paisiblement son chemin, non sans avoir fait entendre un bêlement goguenard, tandis que le maître de Kerberenès se grattait la tête, déjà perplexe, car c'était, comme on dit, une bonne âme, riche en écus, mais pauvre en finesse, et d'une crédulité proverbiale dans tout le canton. Survint à son tour Palsambleu, le maçon. « Vous menez là une belle chèvre, en vérité. »« Le diable t'emporte !» hurla l'homme cariou furieux, mais de plus en plus ébranlé. Il se disposait à mettre pied à terre pour vérifier décidément à quelle espèce appartenait l'animal attaché en remorque à la queue de sa monture, lorsque les souliers ferrés de Titik sonnèrent sur la route. « Attendons celui-ci avant de descendre, » murmura le fermier. « Il en sera, ma foi, ce qu'il dira. » Il apostropha tout le premier Titik. « Voulez-vous avoir l'obligeance de regarder si ma génisse est toujours au bout de sa longe ?»« Au bout de la longe, j'aperçois une chèvre, » fit Titik d'une voix innocente, « mais la génisse a dû s'échapper. » « Allons, » songea tout haut le maître de Kerberenès, « il faut que je me sois trompé cette nuit. J'aurais pris la chèvre noire au lieu de la génisse brune. Le fait est qu'on ne voyait goutte dans l'étable. » Sans plus de tergiversation, il tira sur la bride de son cheval et s'en retourna en maugréant vers son manoir de Kerberenès. Vous pensez si les compères qui, rencognés dans la douve, n'avaient pas perdu un détail de la scène, se divertirent du succès de leur farce. Le voyage s'annonçait bien commencé sous de si joyeux auspices. 4. À l'auberge de Saint-Efflam, ils flairèrent de suaves odeurs de cuisine. Une tranche de pain de froment, graissée d'un morceau de lard chaud, ne ferait de mal à aucun de nous, suggéra Job Anankou. Tâchons de l'avoir au meilleur marché possible. L'auberge était pleine de maquignons, venus la veille des parages de Pleyber-Christ et de Landivisiau. Pour être plutôt prêts au départ, ils avaient fait sortir leurs chevaux de l'écurie et les avaient attachés, flanc contre flanc, à des piquets devant la maison. Le tailleur s'approcha de l'une des bêtes. « Faites comme moi » chuchota-t-il à ses compagnons. Prestement, il avait coupé la corde du licol et gratifié le cheval d'un coup de pied qui le fit déguerpir au galop. Le couvreur et le maçon, s'inspirant de l'exemple de leur chef, n'eurent ni la main ni la jambe moins promptes. Et tous trois, de se précipiter dans l'auberge en criant « Holà ! Il y a dehors des chevaux qui ont rompu leurs attaches et pris leur course dans la direction de la grève. Si vous ne les rattrapez pas à temps, ils vont sûrement se noyer. » La mer montante vient, comme vous savez, battre les falaises de Saint-Efflam. Et vous devinez quelle alerte, parmi les maquignons, ce fut à qui s'élancerait à la poursuite des chevaux. Les gens de l'auberge eux-mêmes filèrent sur les talons de leurs hôtes, afin de leur prêter secours. Et nos trois loustiques, demeurés seuls dans la pièce, purent s'installer comme des princes devant un déjeuner tout servi, s'esquiver ensuite sans être vus et reprendre leur marche, en gais pèlerins, avec la belle insouciance de l'avenir que donne un estomac bien lesté. Quand le jour se leva, ils étaient à la lande de la Croix-Rouge. Une heure plus tard, ils contemplaient, du haut de la vieille côte, le gracieux panorama de l'Agnon, étageant aux deux versants de sa vallée, les toits en cascade de ses maisons moyenâgeuses, dont les ardoises luisaient, dans l'aurore, comme de fines écailles d'argent. « Ça, dit le tailleur, l'Agnon est une capitale qui vaut qu'on s'y arrête. Je suis d'avis de passer ici la journée. J'y ai quelques connaissances que je ne serais pas fâché de revoir. Puis, c'est bien le moins que vous alliez faire vos dévotions à Saint-Jean-du-Bali, et jeter un coup d'œil sur le quai planté. « Diable ! Objecta Titik le timoré, dont le cerveau était perpétuellement travaillé de quelque vague inquiétude. « Tu veux donc notre ruine ? Ne sais-tu pas qu'à Lannion, toute chose coûte 5 fois plus cher qu'à Plestin ? Je n'y suis venu qu'une fois, au mariage d'une cousine. Mais dussé-je vivre 100 ans, je n'oublierai jamais qu'on m'y a fait payer 4 sous une gorgée d'eau-de-vie. » Le tailleur haussa les épaules. « Titik, prononça-t-il avec solennité. Titik et toi, Palsambleu, je vous ai prié d'avoir en moi pleine confiance. Vous en êtes-vous mal trouvé jusqu'à présent ?»« Certes non, » fit de sa grosse voix de chantre le bâtisseur de murailles. « Palsambleu, non » répéta-t-il pour mieux appuyer son témoignage. « Tu as mon estime. Va de l'avant, sans émouvoir des lamentations de ce pleurnicheur. Conduits par Job an Ankou, ils franchirent le pont de Sainte-Anne, escaladèrent la pente sinueuse de la rue des Bouchers, traversèrent la place de la mairie et pénétrèrent à la queue-leu-leu dans la courette de l'hôtel du Grand-Turc. Une servante récurait les fourneaux. Job an Ankou ayant demandé l'hôtelier, celui-ci parut, rond, gras, l'air cuit à point comme un gigot. « Monsieur, commença le tailleur, nous sommes les gens du marquis de Kerlibouban. » Le marquis de Kerlibouban connaît pas. Comment, le plus grand propriétaire du Léon, celui qui a épousé une nièce du pape? C'est pourtant chez vous qu'il a toujours accoutumé de descendre, quand il lui arrive, ce qui est rare, il est vrai, de venir court le chevreuil chez son parent de Kerkaradec. À moins, continua le bon apôtre, qu'il n'y ait à Lannion deux maisons du grand Turc. L'hôtelier interrompit avec vivacité. Il n'y en a qu'une, et c'est la mienne. Puis, la main au front, dites-moi, est-ce que le marquis dont vous parlez n'est pas un seigneur corpulent, avec une barbe blonde en éventail et des lunettes d'or? Précisément. Que ne le disiez-vous plus tôt? Vous comprenez bien que je ne me rappelle pas les noms de tous les gentilshommes qui font descente chez moi. Il me faudrait un armorial dans la tête. En effet, vous devez en voir passer de la noblesse. Et qui a-t-il pour le service de monsieur le marquis de Kerlibouban? Voici, il doit débarquer ici demain, sur le coup de midi, avec une suite de 20 personnes, et il entend que vous lui apprêtiez un de ses repas, comme on en mange, paraît-il, qu'au Grand Turc. Nous avons ordre de nous tenir à votre disposition jusqu'à demain matin, pour vous aider, si vous le jugez nécessaire, puis de nous rendre à Tréguier vers le point du jour, pour y faire faire, au rocher de Cancale, les mêmes préparatifs. Très bien, mais je n'ai nul besoin de votre assistance. Chacun sait que ce n'est pas le personnel qui manque, à l'hôtel du Grand Turc. Mangez, buvez, promenez-vous et ne vous inquiétez pas du reste. Le marquis de Kerlibouban n'aura que des félicitations à vous adresser. Nos lurons ne se le firent pas répéter deux fois. Ils redéjeunèrent, s'offrirent des cigares comme des citadins, flânèrent à toutes les devantures des boutiques, visitèrent plus de cabarets que de chapelles, dînèrent d'un appétit élastique, burent café et pousse-café, s'administrèrent par surcroît force liqueur dont ils n'avaient jamais entendu prononcer les noms, et finalement se couchèrent à moitié gris dans des draps blancs sur des couettes moelleuses et profondes où ils ronflèrent bientôt comme les orgues de Plestin le dimanche du Saint-Sacrement. Aux approches du matin, le tailleur, qui avait son idée, se glissa furtivement hors du lit. Malgré l'heure hâtive, il se faisait déjà quelques remue-ménage dans l'hôtel. Des bruits de pas allaient et venaient le long des escaliers. Dans la cour, des forains attelaient leurs lourdes guimbardes. Job an Ankou, qui s'était assuré la veille que la chambre donnait bien sur cette cour, entr'ouvrit avec précaution la fenêtre, cueillit doucement la culotte de palsan bleu, la jeta dehors, le plus loin qu'il put, remit l'espagnolette et se recoucha. Quand le jour tinta les vitres, ce fut au tour du maçon de se réveiller. « Ohé, Job an Ankou, Titik, je crois qu'il est temps. » Le tailleur fit mine de se frotter les yeux pendant que le couvreur, ahuri, se redressait en sursaut. « Allons, sur pied, les gars !» clama l'autre, de sa voix de stentor. Il se mit en devoir de prêcher d'exemple. Mais, au moment de s'habiller, il demeura debout, en chemise, promenant autour de lui des regards effarés, de l'air d'un homme qui cherche des yeux un objet absent. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Job an Ankou, plein d'intérêt. Il y a que je ne sais plus où diable j'ai pu fourrer ma culotte. Tu l'avais hier soir, pourtant. Parfaitement. Et je me souviens même que je l'avais étalée, là, bien en vue, sur mon édredon. Elle aura peut-être glissé sous ton lit. Ouais, il n'y avait pas plus de culotte sous le lit que dessus. Le maçon commençait à sentir la moutarde lui monter au nez. La plaisanterie est mauvaise, déclara-t-il en dévisageant le tailleur. Celui-ci ne broncha point. Mais, affectant au contraire de faire sienne la colère du maçon, « Que parles-tu de plaisanterie? Moi je dis qu'il y a du louche là-dedans. Ta culotte ne s'est pas envolée toute seule, n'est-ce pas? C'est donc qu'elle a été volée. » « Il est propre, l'hôtel de la noblesse, » vociféra le sans-culotte, malgré lui. « Laisse-moi faire, palsambleu, » reprit le tailleur. « Je me charge de tirer la chose au clair. » Il se vêtit en un tour de main, dégringola l'escalier 4 à 4, faillit renverser l'hôtelier qui accourait au vacarme. « Faites fermer les portes, monsieur, » dit-il, il y a un voleur dans la maison. » « Un voleur ? Au Grand-Turc ? Cela ne se peut. » « On a pourtant dérobé cette nuit, dans notre chambre, le pantalon de notre confrère Gonéry Louarne, que vous entendez là-haut, pestant et sacrant. » Le fait est qu'il se livrait sur le palier à de retentissantes démonstrations, le nommé Gonéry Louarne. C'était le cas de dire qu'il jurait comme un chantre. Ses éclats de voix résonnaient dans tout l'hôtel. Ah, il en débitait des « malédictions rouges » et des « damné soit le Grand-Turc ». Pour peu qu'on le sorte de ses gonds, Louarn est un terrible homme, continua le tailleur. Il est capable de tout mettre sans dessus-dessous dans votre établissement, si sa culotte ne se retrouve. Il finissait à peine qu'un des valets d'écurie entra, brandissant aux pointes d'une fourche à fumier une loque informe, triturée par les pieds des chevaux et toute puante de crottin. C'est elle ! S'écria Job an Ankou. Mais en quel état ? Puis voyez, on a retourné les poches. Qu'y avait-il dedans ? Demanda l'hôtelier, dont la graisse tremblait. Gonéry ne va nulle part sans son tabac, son mouchoir, son couteau et son porte-monnaie. Savez-vous ce qu'il pouvait contenir, ce porte-monnaie ? Le marquis de Carlibouban, au départ, nous avait remis à chacun un écu de 6 livres pour les imprévus de la route. Eh bien, remontez en hâte auprès de votre ami, affirmez-lui qu'il ne perdra rien et suppliez-le de grâce d'éviter l'Esclandre. Il y va de la renommée du Grand-Turc. Moins d'un quart d'heure plus tard, les jambes du maçon, jusqu'alors condamnées au berlinge, habitaient un magnifique pantalon de velours vert à côtes dont le chatoiement faisait penser à la moire changeante des jeunes prairies sous les frissons du vent printanier. L'étoffe est de premier choix, observa le tailleur qui s'y entendait. Et rien ne manque dans les poches, ajouta l'hôtelier, qui avait tenu à venir apporter lui-même la culotte avec ses excuses. J'espère, poursuivit-il, que je puis compter sur votre discrétion et que vous ne soufflerez mot de cette aventure à qui que ce soit, que monsieur le marquis de Carlibouban surtout n'en ait jamais connaissance. Au fait, dit Job an Ankou, vous pensez à lui, n'est-ce pas ? Songez qu'il nous ferait pendre sans scrupule si ses ordres n'étaient exécutés de point en point. Pour ce qui est de notre dépense, il doit, selon l'usage, la régler avec la sienne. » La désinvolture tranquille de la dernière phrase fit béer d'admiration les deux acolytes. Et le trio prit congé, accompagné jusque dans la rue par les salutations de l'hôte. 5. Le soleil naissant clignait de l'œil à nos plestinets comme s'il eût été dans leur confidence. Au debord de la route, les arbres des talus, dégouttelants de rosée, avaient l'air d'achever leur toilette, sans doute pour se rendre aussi à la foire grasse. C'est qu'il en allait du monde, vers Tréguier. On ne voyait, sur tout le chemin, que paysans endimanchés, le cou à l'étroit dans des cols trop raides, que maquignons en longues blouses bleues, gonflées comme des ballons, filles aux jupes voyantes, troussées sur des bas éclatants, ménagères tirant derrière elles des ribambellées de polissons mal mouchés. Puis des bêtes à n'en plus finir, une forêt de cornes, un fleuve de toisons, une chaîne de croupes bondissantes, que sais-je, l'arche de Noé en voyage. Nos amis suivaient le torrent. Ils avaient mine si flambante qu'on eût dit les 3 rois mages au milieu des bergers. Titik lui-même affectait des airs conquérants. Mais palsambleu surtout rayonnait dans sa somptueuse culotte vert chou. Elle le serrait bien un peu au mollet, qu'il avait énorme, mais cela n'en faisait que mieux ressortir la cambrure. « Un digne homme, tout de même, cet hôtelier du Grand-Turc, » dit-il en caressant des yeux pour la 1001e fois les sillons côtelés de la resplendissante étoffe. « À propos, se souvint le tailleur, je réclame l'écu de 6 livres pour la masse. » Palsambleu le crut subitement devenu fou. « Un écu de 6 livres ? Où veux-tu que j'aille le chercher, mon pauvre ami ? Je n'ai jamais eu pareille fortune, même en rêve. »« Hé, tu l'as dans ta poche ?» répartit philosophiquement Job an Ankou. Alors seulement il vint à l'esprit du maçon d'interroger les profondeurs de la culotte enchantée. Comment vous peindre sa stupéfaction à chaque merveille qu'il en retirait ? Ce fut d'abord un mouchoir, large d'une toise, qui, déplié, flotta comme un drapeau. Un poème, ce mouchoir. On y voyait, dans un encadrement de fleurs rouges, une frégate voguant, toute voile dehors, sur une mer aux vagues sanglantes, furieusement démontée. Sortit ensuite un couteau, un superbe couteau de fin acier anglais, à manche de corne figurant une sirène. Palsambleu l'ouvrit, le brandit, fit le simulacre de découper en l'air des victuailles pantagruéliques. Puis ce fut un paquet de tabac, de quoi bourrer les pipes d'une quarantaine de maçons. Et enfin, ô miracle, des flancs d'un porte-monnaie de cuir marron, propre à servir de blague, le cas échéant, surgissait, aux regards éblouis de Palsambleu, un écu, tout neuf, une massive pièce d'argent, ronde et blanche comme la pleine lune, dans un firmament d'été. « Allons, à la caisse commune, camarade !» ordonna le tailleur. « C'est juste !» répondit Palsambleu, et il s'exécuta sans rechigner. « Avouez, reprit Job Anankou, que vous n'avez pas précisément à vous repentir de m'avoir désigné pour être le trésorier de l'association. « Oh, tu es un maître !» s'écria Titik, qui commençait à tout voir couleur de rose et dont les derniers doutes sur l'issue de l'entreprise achevaient de se dissiper. « Ton histoire du marquis de Kerlibouban a été une invention de génie, tout simplement. Jamais je n'aurais trouvé ça. »« Ni moi, » corrobora Palsambleu. « Mais c'est l'histoire de la culotte que je ne parviens pas à m'expliquer. »« Soit, je vais vous la dire, » fit le tailleur bon enfant. « Aussi bien, nous voici au calvaire de Rospez. Les marches en sont tapissées de mousse. Nous y serons le plus commodément du monde pour allumer une pipe et savoir quel goût a le tabac de Palsambleu. » Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Et Job Anankou de narrer comment, par un rapide tour de passe-passe, il avait aidé les vieilles grègues du maçon à se transformer en un splendide pantalon de velours vert enrichi d'un certain nombre de précieux accessoires. « Il faut que tu aies été à l'école chez Satan, » déclara Titik en extase. Palsambleu, secoué d'un rire homérique, bredouilla entre deux hoquets. « Mais pourquoi ? Pourquoi me laisser blasphémer comme un perdu ? Quand tu pouvais me calmer d'un mot ?»« L'animal !» fit avec dédain le tailleur. « Il ne comprend pas que, sans ses beuglements de taureau en colère, l'hôtelier disputerait peut-être encore et le coup ratait. »